J'ai donné 25 ans à Rome, soit l'essentiel de ma vie d'homme. J'ai combattu ses ennemis de Judée jusqu'en Germanie. J'ai acclamé Vespasien que le Sénat fait divin. J'ai honoré sa mémoire comme celle des autres grands César. Pour que triomphe le souverain bien, il faut que règne la concorde et la vertu qui s'y accorde. D'avoir été